Les savants du Najd parlent des gouverneurs mécréants. Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, a dit « Tout ce qu'il a dit comme mensonge accablant et comme dénigrement évident contre les wahhabis, ce sont plutôt ceux-là, c'est ces soi-disant musulmans qui ont montré ce que cachait leur cœur comme penchant pour les ennemis d'Allah, les ennemis de son messager et de sa religion. Et cet infâme irreligieux discriminateur en fait bien partie. Il est un des leurs, sauveur, et de ceux qui les aident, car il a certes menti sur les wahhabis et les a accusés de choses dont il est seul coupable. » Lui et les siens, et non les musulmans. Allah l'a démenti, et lui a renversé ses accusations sur la tête, et son infamie est retombée sur lui, et sur ceux qu'il a secourus pour cette constitution qu'ils ont proclamée, et sur laquelle ils se sont unis. Ce qu'ils ont proclamé comme mécréance et infamie, en l'an 1326 de l'Hégire. Ils y ont stipulé que cette constitution est jésuite, judaïque, ottomane et arabe. Et que tous ces groupes distincts de leur religion sont des frères, et qu'ils sont unis pour combattre quiconque transgresse la loi de cette constitution. Et ils ont établi dans chaque endroit de leur terre des écoles où l'on enseigne aux gens le christianisme. Et ils ont nommé un juge général anglais mécréant qui juge des litiges entre les gens, car disent-ils, il est mieux informé sur la politique. Ce juge se trouve en Égypte. Ainsi, il est clair que ce sont eux qui s'en rapprochent le plus et qui ont pris les ennemis de la religion pour alliés et frères, et que ce sont eux qui ont couru vers cette corruption et dans la tromperie et la rébellion. Source, Diya Shariq, page 680. Il n'y a pas de doute que les gouverneurs des pays arabes ont montré leur penchant et leur amour pour les ennemis d'Allah, ainsi que tous ceux qui les soutiennent dans leur mécréance. Il n'y a pas de doute que les gouverneurs arabes sont les frères des mécréants. En effet, leur religion commune est la loi humaine. Quant au roi d'Arabie, il a publiquement affirmé que les Nasara, c'est-à-dire ceux qui prétendent être des chrétiens, et les juifs sont ses frères, dans la foi et la sincérité. Il n'y a pas de doute que les membres de l'ONU sont unis pour combattre quiconque déclare la guerre offensive pour mettre en place la loi d'Allah. Voici un article de la charte de l'ONU. Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et écarter les menaces à la paix et réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix. Il n'y a pas de doute que les gouvernements arabes tolèrent des écoles où l'on enseigne la mécréance. Il n'y a pas de doute qu'ils ont nommé des juges mécréants qui jugent des litiges selon une autre loi que celle d'Allah. Ainsi, cette fatwa de Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, peut très bien s'appliquer au gouvernement actuel. Quant à ceux qui auraient la prétention de dire que rien n'indique clairement dans cette fatwa que les savants de Najd n'appliquaient le tekfir sur celui qui met en place d'autres lois que celles d'Allah, nous vous invitons à lire la fatwa suivante. Hamad ibn Atiq, rahimahullah, s'adressant à un homme pour lui prouver que la religion Al-Ahsa est une terre de mécréance, a dit « Celui qui sait ce qu'ont constaté les grands savants, il sait que lorsque dans une région, le shirk devient visible, se propage ce qui est illicite, cette région devient mécréante. Et les habitants de cette région ont rajouté à cela des insultes envers Allah et envers sa religion, et ont mis en place des lois contraires au livre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appliquent sur le peuple. Et toi, tu sais déjà que rien que cela suffit pour appliquer le tekfir sur celui qui le fait. Ad-Dorasaniya 9, 257. Celui qui permet une interdiction ou interdit une permission est un mécréant. Hafid al-Hakami, rahmahullah, parlant des innovations qui annulent l'islam, a dit « La règle pour l'innovation invalidant l'islam, c'est de renier une chose unanimement reconnue dans la loi islamique et inévitablement connue dans la religion, comme renier une obligation, ou bien imposer ce qui n'a pas été imposé, ou permettre une interdiction ou interdire ce qui est permis. » Source, Ma'arij al-Qabul, 2, 522. Celui qui entraîne les mécréants vers un pays où le peuple est musulman est un mécréant. Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, a dit, celui qui aide les mécréants contre les musulmans, ou les entraîne vers un pays où le peuple est musulman, sort de l'islam. Ceci est un fait clair. Ad-Dorasaniya 8, 326. La demande de justice au Tarout annule le fondement de l'islam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit au sujet de la parole du Très-Haut, non. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate An-Nisa, verset 65. Allah a juré qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils prennent pour juge son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à ce que l'angoisse se dissipe dans leur intérieur par rapport à son jugement, et jusqu'à ce qu'ils se soumettent complètement à son jugement. Et ceci est la vraie satisfaction de son jugement. Donc la demande de jugement se situe au niveau de l'islam, la dissipation d'angoisse au niveau de l'iman, la soumission complète au niveau de l'ihsan. Source, Madarij al-Salikin 2, numéro 201. Cette parole est la réponse à ceux qui disent que le verset en question ne parle pas de la disparition de l'islam, mais de la disparition du iman, ou encore du ihsan. En effet, le shir, rahmahullah, nous informe que la demande de jugement au Tarut annule l'islam. Et c'est dans ce sens qu'a été révélé le verset. Les règles du takfir des chefs d'État selon les alliés du Tarut. Par Nasser al-Fahd, qu'Allah le libère de la prison des Tawarit et lui accorde la guider. Sache, mon frère musulman, que parmi les plus importantes règles du takfir, envers laquelle tous les gens de science sont insouciants aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que celui qui commette une cause de mécréance soit le gouverneur. Car lorsqu'on prononce le takfir sur le gouverneur qui commet une annulation de l'islam, peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Sourate 19, verset 90. Et cette règle se base sur deux principes importants. 1. Toute preuve du Coran et de la Sunna qui prouve que ce qu'a commis le gouverneur est une apostasie de l'islam, c'est forcément soit un texte ambigu, soit un texte abrogé. 2. Toute unanimité rapportée sur le fait que ce qu'a commis le gouverneur est une apostasie de l'islam, c'est forcément une erreur, car le fait que le gouverneur commette cette cause d'apostasie de l'islam prouve qu'il y a forcément deux avis sur la question de cette apostasie. Et ces deux fondements, tous les savants bien enracinés dans la science sont unanimes à leur sujet, et seuls les jeunes excités et les imbéciles ignorent ces deux principes. Quant à la preuve de cette règle, elle se trouve dans le Coran, dans les règles de la sharia, et est prouvée par déduction. 1. La preuve du Coran. La parole d'Allah Ta'ala au sujet de Pharaon qui dit « Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. » Sourate 40, verset 29. Or, la règle fondamentale stipule que c'est le sens général des termes qui compte, et pas uniquement la cause de la révélation. Donc cette parole, bien qu'à l'origine est celle de Pharaon adressée à Moussa, elle est néanmoins valable pour tous les pharaons parmi les gouverneurs. Ils n'indiquent que ce qu'ils considèrent bon pour leur peuple, et ils ne guident que dans un droit chemin. Par contre, si nous venions à déclarer les gouverneurs mécréants en nous basant sur ce que nous indiquent en l'apparence les preuves du Coran et de la Sunna et de l'unanimité, cela s'opposerait directement avec la parole de Pharaon. « Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. » Or c'est ça qui est apparent. 2. La preuve tirée des règles de la sharia. La règle légale, connue sur laquelle les grands savants enracinés dans la science sont unanimes, stipule que les shirks connaissent mieux que les autres. 3. Quant à la déduction, c'est qu'il nous est apparu qu'il y a des unanimités qui prouvent qu'il y a certains actes qui annulent l'islam, mais dès que le gouverneur la commet, on découvre soudainement, après inspection, qu'en fait, il y a deux avis sur la question. Nous avons deux exemples à ce sujet. 1. Ibn Hazm et Ibn Kathir ont tous deux rapporté l'unanimité sur l'idolâtrie de celui qui légifère des lois et sur son statut d'apostat. Mais lorsque le gouverneur commit cela, il est alors soudainement apparu clairement qu'il y a en fait deux avis sur la question chez les savants. 2. Ibn Baz et Ibn Humayd et autres que ont rapporté l'unanimité sur le fait que quiconque aide les mécréants contre les musulmans, alors il devient mécréant. Mais lorsque le gouverneur commit cela, il est apparu clairement qu'en fait, il y a deux avis sur la question. Et cette règle est toujours applicable dans tous les cas, alors accroche-toi-y de toutes tes dents. À noter cependant une exception. Sache qu'Allah te bénisse, que cette règle n'est pas aussi absolue. Mais il y a une condition très importante, et celui qui l'ignore pourrait tomber dans la contradiction. Cette condition est que le gouverneur qui commet une cause d'apostasie de l'islam ne doit pas commettre un crime annulant le pacte de l'ONU. Car s'il venait à commettre ce qui l'annule, le pacte de l'ONU, alors l'invincibilité cesse et ce gouverneur devient vulnérable comme n'importe qui. Exemple, Saddam Hussein. En effet, lorsque ce dernier respectait le pacte de l'ONU, alors son parti BAT ne lui causait aucun tort, pas plus que le socialisme ou le nationalisme, ni même l'instauration des lois humaines, ni les massacres et les boucheries. Au contraire, c'était le gardien des portes de l'Orient, le chevalier d'Al-Qadisiya, le Saladin. Mais lorsqu'il commit l'annulation du Conseil des Nations Unies, qu'Allah nous protège, lorsqu'il voulut envahir le Koweït, son invincibilité cessa aussitôt et il devint alors un mécréant apostat, un baptiste, un socialiste et un taroute. Comprends bien cette question.